Page 108. Compréhension orale. Portable volé ou perdu? Et oui, la perte ou le vol d'un smartphone, en fait, il faut vraiment y penser avant que cela arrive. Alors, première précaution à prendre, sauvegarder toutes vos données régulièrement. Carnet d'adresses, notes, photos, etc. Comment? Eh bien, dans le nuage, hein, iOS, Google, OneDrive, Orange, SFR, etc. Deuxièmement, verrouillez votre smartphone avec un code en plus du code PIN de la carte SIM. Et choisissez un code complexe, pas simplement 1, 2, 3, 4 ou 0, 0, 0, 0. Alors certes, ce n'est pas une protection infaillible, hein, mais cela embêtera un voleur peu expérimenté. En revanche, un pirate bien aguerri ne fera qu'une bouchée d'un smartphone verrouillé. Troisièmement, vérifiez bien que la géolocalisation de votre téléphone est activée. Pour cela, il faut aller dans les réglages. Et là, ensuite, la procédure varie selon que vous utilisez iOS, Windows Phone ou Android. Quatrièmement, vous pouvez, si vous êtes un peu parano, installer un logiciel de sécurité qui offre des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, Cerberus ou Lookout. Cinquièmement, enfin, notez le numéro IMEI de votre téléphone, c'est la carte d'identité de l'appareil, cela permettra de le faire bloquer pour empêcher que l'on mette une autre carte SIM à l'intérieur, ou trouver ce numéro IMEI, tant que vous avez encore le téléphone entre les mains, eh bien, dans les réglages, dans les paramètres de l'appareil, ou bien sur la boîte, tout simplement. Alors ensuite, si le drame se produit, si l'appareil est volé ou s'il disparaît en tout cas, que faire? Eh bien, premièrement, essayez de le localiser en allant sur le site correspondant à votre système. iCloud, Android Device Manager, Windows Phone. Bien sûr, pour que ça marche, il faut que l'appareil soit encore allumé et connecté à Internet, soit via la carte SIM, soit en Wi-Fi. Et si on arrive à le localiser, on peut le faire sonner, pratique si vous l'avez simplement égaré, ou bien le verrouiller ou même effacer son contenu. Deuxièmement, ensuite, contactez votre opérateur pour faire bloquer la ligne. Et oui, c'est évident. Troisièmement, s'il s'avère qu'il est bien volé, eh bien, il faut aller porter plainte au commissariat en présentant la facture et le fameux numéro IMEI, ce qui permettra de le faire inscrire au registre des smartphones volés. Enfin, vous pourrez peut-être essayer de vous faire rembourser si vous avez souscrit une assurance qui prend en charge le vol de smartphones.